Tu souffres plus de plus. Ouais, éventuellement, tu souffres plus. Dans cette vie-ci ou... Non, non, dans cette vie-ci. 84. Mais il faut que je souffre jusqu'en 84. Mais je souffre moins qu'avant. Puis c'est pas tout le temps. Parce qu'avant, je souffrais tout le temps. Pendant 10 ans, tout le temps. En tout cas, là, c'est... j'ai des breaks. Sans ça, je pourrais pas faire... je pourrais pas travailler si je souffrais. Quand j'ai commencé à faire les conférences, ben, j'avais commencé à arrêter de souffrir. Sans ça, je pourrais pas faire les conférences. Faut que je m'amuse dans les conférences. Faut que j'aie du plaisir. Ben, ça paraît pas que tu souffres. Ah non, ça paraît pas. Ben, j'ai beaucoup de résistance. Yeah, voilà. Comme là, je souffre pas. J'ai du fun. Mais quand on sort du périsprit, quand on n'a plus de périsprit, on est extrêmement... on est extrêmement... allégé? Non. On est extrêmement... on est extrêmement susceptible à la souffrance. On peut facilement souffrir. Alors, c'est pour ça qu'on doit, de par notre intelligence, nous créer des conditions où on minimise ça. Et puis la souffrance, tu la transmutes, on peut dire, en intelligence, en énergie. Tu la transmutes, puis tu la transmutes. C'est pour ça que je dis, tu développes de la résistance, puis de la résistance, de la résistance, mais c'est pas parce que tu développes de la résistance que ça va t'empêcher de souffrir. Ça, éventuellement, tu vas développer un corps à lui. Ouais, éventuellement. Mais là, à ce moment-là, mais là, tu vis une autre vie. Ouais. Mais il donne pas ça, puis tu fais pas ça, puis tu vis pas ça tant que t'as pas fini ce que t'as fait avant. Il y a des étapes dans ton évolution, dans ton travail. Est-ce que c'est ça que les maîtres appellent brûler le karma du disciple? Tes souffrances? Brûler le karma du disciple? Il y a des maîtres qui brûlent le karma de leur disciple. Ouais, mais ça, c'est du périsprit. Ah, oui. Moi, je prends pas le karma de personne. Mais à quoi elle sert la souffrance? Ça, c'est une forme d'orgueil spirituel. Prendre le karma. Mais je comprends pas pourquoi. Hey Claude, do you hear? Claude? What's this thing about masters burning off the karma of their disciples? Tell me something on that. Ça vient-tu? Ça, c'est un grand bonhomme, ce bonhomme-là. Je vous le présente à la salle. Can you come here for a minute? The idea of people or masters burning the karma of their disciple is part of an illusion. It's part of a spiritual illusion which masters impose upon themselves to give themselves a certain kind of occult spiritual authority and also to give themselves a certain kind of value towards the disciples so that they can be looked up to. Can you talk on that? OK. Je pense qu'il y a deux sortes de maîtres spirituels. Il y en a un type que Bernard vient juste de parler là, au moment. Il a juste référé des maîtres qui disent « Bon, je prends le karma de mes disciples, puis je vais vous aider à dissoudre votre karma ou vous en débarrasser. » Puis en faisant ça, ben là, automatiquement, si toi, tu acceptes ça comme disciple, tu es automatiquement lié à ce maître-là. OK? C'est un contrat que tu as signé avec lui, évidemment. Comme tu fais avec des entités. Pas exactement comme les entités. C'est pas exactement la même chose. Bon, je vais reprendre un karma avec lui. Mais c'est un karma que tu commences, là, puis tu peux le finir un petit peu plus loin si tu veux. Mais l'affaire qu'il y a, il y a une autre sorte de maître aussi que spirituel qui va dire non, je prends pas de ton karma, puis j'en ai assez moi-même à passer. Ça, c'est un des meilleurs maîtres que tu peux rencontrer, ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est que vibratoirement, il va essayer de t'élever en esprit, okay? Pas en intelligence, qui est ce que l'on en parle, là, mais en esprit, où que tu peux au moins prendre conscience toi-même de tes incarnations passées, pas juste sa planète Terre, mais ses autres planètes, puis dans les autres dimensions des plans inférieurs, jusqu'à temps que tu atteins ce que les autres appellent la réalisation de soi. Et finalement, après ça, tu continues là, en termes de pur esprit jusqu'à temps que tu atteins la réalisation, la plus haute réalisation de Dieu, encore une fois. Mais reste que, une fois que tu es rendu là, c'est là que tu deviens fort probable, dans les termes de Bernard, un prisonnier de la lumière. Là. C'est là que tu décides que tu peux te débarrasser de ce maître-là, finalement. Mais l'affaire d'un maître dissoudre le karma, si tu offres de l'aide à dissoudre ton karma, tout de suite, il se fait valoriser, premièrement. OK? Puis c'est juste un petit contrôle qu'il y a sur toi. C'est tout qu'est-ce qu'il y a. T'sais? Il t'offre la religion catholique là, qui t'offre une certaine grâce pour un 10 piastres, quelque chose comme ça, mais c'est un peu plus subtil. Il y a des gens. C'est faux d'autres à dire. Il y a des êtres invisibles aussi qui pour changer, qui améliorent leur karma, des aides invisibles. Il y en a toujours des aides invisibles. Il y en a partout. Tu as 5, tu as actuellement 10 parties de toi-même qui est invisible et tu ne le sais pas. Okay? L'affaire qu'il y a, toi, au moment où tu ne réalises pas, peut-être dans une autre dimension, tu es un de ces aides-là qui aide quelqu'un d'autre. Puis tu es un petit maître toi-même. Okay? Il faut que tu rencontres cette illusion-là toi-même un de ces jours, faire face à ça et la détruire. Tu sais, tu as le violon. Hein? On dit que tu as le violon. Tu as toujours désiré jouer le violon. Mais c'est certain que, en étant un être multidimensionnel, si tu crois à la théorie de probabilité multidimensionnelle, certainement ça. Un des plans, à quelque part, tu es un maître violoniste. Okay? Puis si les coordonnées, un jour, peuvent se rencontrer mathématiquement parlant, il y a peut-être une partie de toi-même, de cette dimension-là, qui va s'écouler dans la partie planétaire, ici sur la Terre. Puis tu vois, si les deux vont se rencontrer, puis ça peut être dans l'autre dimension, tu peux être peut-être un autre 2000 ans. Un futur, toi-là. Ou tu peux le vivre en même temps. Mais tu vas réaliser que tabarouette, juste le désir de devenir un bon violonneux, tu l'es ailleurs. Pour que ça ne soit pas frustré toute la temps. Tu l'es. Mais ça fait partie de l'illusion encore. C'est ça qu'il faut déconseiller. On va laisser parler aussi. Puis... Dans tes grands bonhommes, là, c'est que je suis spié. Alors, les effets sur l'homme, de son périsprit sont totales. Et le périsprit engendre dans l'homme la psychologie qu'il a de sa vie. Et l'homme doit en arriver à être suffisamment en harmonie vibratoire avec l'intelligence pour voir les interférences du périsprit contre l'intention d'intelligence. Et quand il voit ça, mais automatiquement, il entre dans son intelligence. Il est un petit peu plus dans son intelligence. Le concept du périsprit, c'est un concept qui est

pensé de dîner. Là, j'arrête d'enregistrer puis je parle. Ah, oh, il y a du monde en haut, hein. Déjà, j'espère.